Motherfucker 7-5. Je regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est mini quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères, c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux parlent, tant que les vrais me connaissent. Moi, je veux tout, quitte à finir en réa. Je fais pas la passe décisive, fuck mes autos et le Real. Rien à gagner parce que la vie est un combat, plus rien à perdre. Tu vas droit dans le mur si tu m'accompagnes. Je voulais la paix, mais la haine m'a adouci. Ce que l'argent n'achète pas, crever seul dans un jacuzzi. Si je me fais fumer sur un braco, dis à ta mère, j'en avais marre de la deuxième place comme Antonio Di Natale. Tu me prends pour ton héros, sache que l'héros est triste. Le cœur est catalan, la rafale est soviétique. La vie un game, si tu veux jouer, alors on joue. Poteau fort, les bonnes manières, on t'allume sans dire bonjour. On m'a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Achète une Maserati et cette salope t'aimera. L'amitié gifle et les balles font des bisous. Ton père c'est Houdini, tu disparais dans les 10 jours. Regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est Munich quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent. Regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est Munich quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent. Motherfucker dans nos cœurs, il caille comme un Moscou. T'écoutes plus la paix lorsque la haine t'appelle au secours. Des cicatrices ou le recuit ou le bon burst. La vie c'est la sonnerie, la mort sera ton répondeur. Des fois blessé je me suis retenu et ça fait mal comme un poteau qui t'a dit à plus tard mais qui jamais revenu. C'était pas ce que je veux vivre, donc depuis j'évite de trop m'attacher. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent que je saute, lol. Après vous c'est peut-être mon dernier album, mais je m'en bats les couilles. Après tout, tu veux critiquer, viens, viens, vas-y, viens. Mais parler de mes défauts ne fera pas diminuer les tiens. Donc fais pas le chanteur ou je t'allume devant Bercy. Je veux le palmarès, c'est le salaire de vendre Percy. Billy, Billy, bang, bang, A plus. Sweet noir, capuche, un pack des loups, boulevard des bras, bus. Regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est mini quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères, c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent. Regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est mini quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères, c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent. On m'a dit, vas-y poteau, garde tes couilles bien accrochées. Reste pas la tête sous l'eau, ils vont me faire des cochers. On m'a dit, les petites écoutes, alors fais gaffe à tes propos. J'ai répondu, il faut qu'ils sachent souvent les traits. C'est tes potos, l'esbi c'est dur, pense à protéger tes arrières. Perso j'en ai dans le ventre, j'suis né par césarienne. J'ai pas les yeux dans les pleux, j'ai les yeux sur le rinté. Sur ton Range Rover, salope 95D. Je regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est mini quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent. Je regarde le ciel en pilotant, gare aux comètes. Le gamin c'est mini quoi comme Mario Gomez. Ratatata, rafale dans vos mères c'est le Koweït. Rien à foutre que les faux pas, tant que les vrais me connaissent.